Chérie FM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Top Chrono, Top Chrono. Je m'entends toujours pas, ça y est, ça va venir tout doucement. J'espère que vous vous entendez parler parce que ça va très très bien ce soir pour nous aussi. On a passé une bonne semaine, on a passé un super week-end sportif. On peut dire que le sport a été à l'honneur ce week-end et on va en découler pendant une heure et demie dans cette émission qui s'appelle Top Chrono. Eh bien, nous allons dérouler le long film de cette actualité sportive qui a été débordante, mais pour l'instant, il faut toujours voir si l'équipe est au grand complet et surtout très motivée à faire une émission hors du commun. Alors, on va voir si Monique va bien. Salut Fred, salut l'équipe, tout va bien. Voilà, le rhume n'est pas parmi toi et la grippe t'a laissé tomber ou tu l'as jamais attrapé? Ah ben écoute, je pense d'être loin de la grippe. Tant mieux, allez, on va voir si notre ami Gilles, qui était lui du côté de Coubertin ce dimanche pour ce match du rugby, est-ce que lui va bien? Oui, tout va bien, parfait, bonne soirée. Merci Gilou. Eh bien, on a ce soir notre ami Henri qui ne sera pas là. On le retrouvera la semaine prochaine pour des problèmes internes. Il n'a pas pu se libérer de son travail. C'est pour ça qu'il n'a pas pu être là. Notre ami Bibi Bougo ne devrait pas tarder. Il a toujours son petit retard habituel. Et puis Marie, on y jette un petit clin d'œil ce soir absente, mais la page Horizon sera assurée par Monique. Et il y a surtout mon acolyte Jean-Yves. Salut Jean-Yves. Bonsoir Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui, tu m'as manqué hier Fred, hier après-midi. C'est vrai, juste pour un aparté avant de voir le sommaire, nous étions, on va dire, en simultané, l'un était du côté de Coubertin pour un match de rugby à Château-Renard face à la SBC, et moi j'étais à l'arrivée sur le port de Monaco, en principauté après pour la remise des prix de ce 85e rallye du Monte Carlo, en direct. Voilà, je crois que le contract était impressionnant. Ouais, plutôt, ouais. Plutôt, je crois qu'on y reviendra entre l'arrivée du rallye Monte Carlo et un match un petit peu compliqué pour nos amis Védaridé. Effectivement, je ne suis pas sûr que tu aies eu la plus mauvaise place. Monique, est-ce qu'elle est prête pour le sommaire ou elle ne s'en sortira pas avec ses sons? Je vais la faire le sommaire si elle veut, Monique. Allez, allons-y alors. Allons-y, Monique. Je parle en micro, je ne suis pas habituée. Alors, le sommaire, aujourd'hui, nous allons parler du rugby. La coupe lors des... Le rugby à 13, le derby, les résultats et les commentaires. Le basketball national 1, le SAP Avignon, tourne dans le bon sens. Analyse et réaction dans cette émission. Rugby à 15, les clubs vauclusiens pas à la fête ce week-end. Fred, Jean-Yves vont revenir sur ces résultats. Volleyball, ben, tous les résultats du volleyball. Football, tout le monde joue, mais Henri ne sera pas là ce soir, malheureusement. Il y aura les résultats de cette journée de championnat. Hockey sur glace, Avignon, toujours à la... peine. À la peine, dans cette division. Ils ont du mal. Athlétisme, Bibi Bougon. Ben oui, il n'est pas encore arrivé, mais il ne devrait pas tarder. Après, vous aurez le magazine Horizon. J'espère que je ne me suis pas trompée, je suis désolée si c'est le cas. Non, pas du tout, c'est bien Marie. Monique, pardon. Et puis après, on aura bien sûr focus ce soir spécial 85e rallye du Monte Carlo avec un beau vainqueur. C'est Sébastien Ogier sur Ford Focus. On va y revenir longuement dans cette émission, puisque le 85e rallye du Monte Carlo s'est terminé hier après-midi en principauté de Monaco, devant le prince de Monaco et toute sa horde de partisans, on va dire, et d'amis autour de lui pour fêter la belle et victoire. Et surtout la jolie Charlène. Ah tiens, on va y revenir. Allez, on est parti. Top Chrono, rugby à 13. Alors Jean-Yves, on était bien sûr dans ce rugby à 13, c'était les huitièmes de finale. Avignon qui a gagné cette coupe, leur derby, c'est la Coupe de France, hein, il ne faut pas se cacher. Eh bien, cette fois-ci, ben, ça s'est déjà arrêté en huitièmes de finale. Ouais, ça s'est arrêté en huitième de finale pour nos amis avignonnais qui avaient un gros morceau sur leur route, puisqu'il s'agissait ni plus ni moins que l'équipe de Carcassonne, actuellement deuxième, me semble-t-il, ou troisième du championnat élite. Ben voilà, dommage pour Avignon. Maintenant, il n'y a pas trop de dégâts, Fred, parce que je ne suis pas certain que cette année, les avignonnais pouvaient jouer sur les deux tableaux. il vaut peut-être mieux se concentrer sur un seul tableau et le jouer à fond plutôt que de jouer deux tableaux au risque de se cramer un petit peu. Ben voilà, l'histoire en Coupe de France cette année est terminée pour le SOA. Le SOA qui n'a pas fait un si mauvais match que ça, puisqu'ils étaient à la mi-temps à 10-10, et puis après les Carcassonnais ont déroulé. Et puis alors là, ça a été un petit peu la débandade. Au final, il y a une trentaine de points de mémoire, 34 à 14, me semble-t-il. Ou 30, oui, c'est ça. C'est dommage, mais en tout cas, les Avignonnais qui partaient à Carcassonne aussi avec une équipe un petit peu diminuée, hein, il manquait des cadres. Alors juste, j'ai vu un aparté pendant que tu étais de nous faire cette belle analyse de ce match. Je m'aperçois quand même un début fracassant du SOA, ça veut dire qu'ils avaient pris ce match à cœur, ils voulaient faire un résultat, malheureusement, on va dire qu'ils n'ont pas tenu la distance. Non, ils n'ont pas tenu la distance, mais encore une fois, le score à la mi-temps était de 10 à 10, les Avignonnais avaient pris le match par le bon bout. Comme je te le dis, hein, ils étaient partis à Carca avec une équipe un petit peu diminuée, notamment Olivier Arnaud, le maître à jouer de cette équipe, qui était un petit peu sur le toit. C'est dommage, mais voilà. Alors, comme d'habitude, souvent les équipes dans ces matchs de coupe, les équipes qui sont supposées un peu moins fortes attaquent souvent très fort le match, histoire d'essayer de prendre un petit peu d'avance au tableau d'affichage. C'est ce qu'avait fait le SOA. Et puis voilà, ils ont explosé justement parce qu'ils ont surjoué pendant la première mi-temps. Et puis voilà, ça finit à 34-14. C'est pas un drame. Honnêtement, c'est pas un drame. Les Carpentraciens aussi ont été sortis de cette coupe face à Saint-Gaudens. Là, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'ils ont pris 30 points sur leur terrain. Saint-Gaudens, équipe d'élite quand même, hein, on va le souligner. Et Carpentras, équipe d'élite 2. Les Andrégois, eux, étaient déjà sortis. Puis ils en ont profité pour jouer un match en retard contre les voisins de Montpellier. C'est une belle victoire, puisque ça les fait remonter au classement, puisqu'on va pouvoir que, si on peut donner le classement, Jean-Yves, de cette Elite 2, on peut voir que les Entrecois sont quatrièmes ce soir. Hein. Ben oui, Fred, hein, on l'a signalé pendant les premiers mois de ce championnat. Les Entrecois ont eu un calendrier extrêmement compliqué, on l'a dit et redit, un calendrier pas très équilibré avec de longues semaines sans jouer. Le match de Montpellier était un match en retard, et puis là ça y est, ça s'équilibre puisque chaque équipe a joué 8 matchs, et puis maintenant eh bien, les choses rentrent dans l'ordre. Les Entrégois promus, il faut le rappeler aussi quand même, hein, promus dans ce championnat d'élite 2, pointent à la 4e place. C'est super, c'est un beau résultat. On avait un petit peu peur en début de saison pour nos amis Entrégois. Et puis, eh bien, voilà, peur infondée, hein, puisque voilà, les choses rentrent dans l'ordre petit à petit. Dans la normalité, on va dire, parce qu'on avait fait tout pour essayer de bien survivre dans cette Elite 2. Eh bien, c'est le cas, je crois. Hein. Ouais, c'est le cas. Et puis ben, Fred, tu sais, on n'est pas loin, quatrième, on n'est pas loin d'une qualification. Attention, pas d'enflammade, on ne va pas jouer la montée en Elite 1, on ne va pas jouer le titre non plus, on ne va rien jouer du tout, mais c'est important de ne pas marquer mal et de bien figurer, ne serait-ce que pour les joueurs et pour valider le boulot des entraîneurs et des dirigeants. Et bien voilà, tant mieux. Félicitations aux Entrégois qui, mine de rien, sont devant Carpentras, hein, qui ont deux points d'avance, me semble-t-il. Exactement, trois points d'avance. C'est une victoire, un match. Hein. Ouais. Mais c'est, ça, alors, ça fait encore plus regretter le premier match de la saison qui avait tourné à l'avantage des Carpentraciens, mais pourquoi pas, on est dans le bon tempo, là, on est dans le bon tableau de marche. Les Entrégois font le job. Tant mieux, on espère que ça va durer. Est-ce que c'est le derby? Je sais pas, Fred. Parce que le derby, je crois qu'il va pas tarder à arriver, là. Normalement, ça devrait pas tarder, à moins que j'ai un doute, je sais pas si ça n'avait pas été inversé par rapport au match aller. C'est-à-dire que le... Ça sera sûrement le dernier. Mais à confirmer, très honnêtement, je sais pas, j'ai pas regardé. Voilà. Top chrono, basket. Allez, on revient un petit peu avec le sourire, avec le basketball en National 1. C'est vrai qu'on s'était quitté en 2016 avec une vraie crise, la crise d'honneur, la crise de ce que vous voulez. Mais ouais, le SAP Avignon, c'était pas terrible, quoi. Hein. Par moments, c'était même la crise de rire, Fred. La crise de rire aussi, oui. Ouais, du côté du SAP, ça en devenait presque caricatural. On avait quitté les joueurs du SAP usé par un début de saison avec un entraîneur, on va pas revenir là-dessus, avec tout un environnement qui n'était pas très propice à faire des bons résultats. Et puis là, Alors j'arrive, juste une question, on dit que les CON ne changent pas d'avis. J'ai pas dit nos mots, hein. J'ai juste des consonnes. Est-ce que le personnage a enfin compris que le côté sportif fallait le laisser et le côté, on va dire, des directions du club avec les partenaires, c'était pour sa paume? Bien sûr que non. La seule différence, c'est que le personnage dont tu parles, et on va pas lui faire la joie de le nommer parce qu'il a encore oublié de me serrer la main samedi soir, mais c'est pas très grave. On va pas revenir sur tout ça. Il s'occupe des VIP, il s'occupe de faire entrer de l'argent, il est là pour ça. Juste un petit message d'Alain Moreau qui me parle du derby pour le 9 avril. Voilà, merci Alain ce soir et qui nous a renseigné. Ça sera pour le 9 avril et on ne manquera pas d'y être parce que ça va être un super match. Revenons sur le SAP. Il y a un entraîneur ce coup-ci qui est complètement autonome. Il a pris les choses en main. Il a pris le groupe en main. C'est lui le boss, c'est lui le patron. Il s'occupe du sportif, les autres s'occupent du financier et de la gestion du club. Et là, pour le coup, ça a plutôt l'air de fonctionner. Il a demandé à ce que l'absence de son joueur blessé soit palliée. Ça a été fort bien pallié puisqu'il y a un nouvel intérieur qui est arrivé, qui est un joueur extraordinaire, qui fait le job, qui marque des points, qui prend des rebonds. Et puis tout simplement, petit à petit, les joueurs reprennent confiance dans leur basket, reprennent confiance en leurs possibilités. Ces joueurs, ils n'étaient pas devenus mauvais du jour au lendemain, c'est impossible. Il y a quelques bons signes dans ce groupe. On voit le retour d'Antoine Lurel, qui a beaucoup manqué finalement à ce groupe. Et puis je crois que Lurel n'était pas du tout dans le contexte qui doit être. C'est un grand joueur, il est peut-être un petit peu jeune encore pour pouvoir diriger une équipe. Et puis on voit surtout un groupe qui se blesse plus, qui se fait plus mal. Ça, c'est aussi une nouveauté depuis quelques semaines. Et depuis l'arrivée de Sens, une défaite à l'extérieur, il n'y a pas de quoi rougir. Et puis finalement, là, ils viennent d'enchaîner deux victoires à l'extérieur. Et là, ils ont enchaîné une superbe victoire à la maison, puisque 30 points d'écart quand même. Hein. Juste pour revenir sur cet entraîneur, il n'a pas bien sûr un palmarès éloquent, mais il a un sérieux au travail et appliqué dans cette nationale 1, et même à la Pro B quand il l'a entraîné. C'est un entraîneur, peut-être que tu vas me conforter dans mes propos, qui est humble, mais qui est très sérieux au travail. Écoute, j'ai vu la différence, puisque j'avais eu l'occasion de parler avec son prédécesseur Lautier et lui. On n'a pas affaire du tout au même mec. Lautier était sûr de lui, sûr de ses qualités. Il avait gagné la Coupe Corac en tant qu'assistant, mais il l'avait gagné. Et du coup, ça lui donnait un petit peu des ailes et il avait des certitudes. François Sens, lui, il a des certitudes, mais les certitudes viennent du terrain. Et viennent de son groupe. Il sent les mecs. Il a un feeling. On a vu les joueurs à la fin du match la semaine dernière qui étaient complètement décontractés, Fred. On a vu des joueurs les remplaçants, qui étaient sur le banc, qui n'hésitaient pas à se lever, applaudir leurs potes, participer à la fête. On va écouter Monique, que j'allais te poser la question en disant, est-ce que c'est pas la salle de la Plaine qui fait ça? Non, parce que la salle de la Plaine était remplie du public d'Avignon. D'accord, donc c'était Moretti. Ouais. Non, la salle de la Plaine était remplie de braves gens, de VIP, de machin. Et on a simplement vu des joueurs qui sont dans un autre état d'esprit, qui ont retrouvé l'envie. Simplement l'envie, c'est important quand tu es sportif professionnel. Monique, on peut avoir Antoine Lurel, s'il te plaît? Antoine. Allez, avec Antoine Lurel, après cette superbe victoire de l'ISAP contre Angers. Antoine, il semble que quelque chose ait changé dans cette équipe. Oui, déjà il y a le coach qui a changé, il y a un nouveau joueur qui est arrivé qui est Bennett Davis, et puis il y a mon retour aussi, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. On est parti, je pense que la trêve nous a fait du bien, on a eu une coupure aussi mentale, physique et mentale, et tout le monde est revenu avec l'envie de se dire bon, la première partie de saison est passée, c'était une autre saison, on repart sur une nouvelle saison, et on voit là on est sur une dynamique qui est plutôt bonne. Maintenant, on l'a vu par le passé, hein, chaque match est difficile, donc à nous d'essayer de garder ça, de positiver, de garder un peu l'alchimie qu'on a sur le terrain, le partage de la balle, et je pense qu'on peut continuer à avoir des belles victoires comme ça, comme ce soir. Ouais, même vous, on a l'impression qu'entre vous, l'ambiance a changé, vous parlez, vous félicitez sur le terrain, un truc qu'on n'avait pas vu depuis le début de saison presque. Ouais, exactement, ouais. On est, comme je disais, on est vraiment sur une bonne dynamique sur le terrain et à l'extérieur. Parce qu'on prend du plaisir sur le terrain, parce qu'on maintenant on peut, on est dans le partage, on est dans l'échange, dans le dialogue avec le coach, avec l'assistant, dans le dialogue avec les dirigeants, avec les partenaires et les supporters. Là vous voyez les gens, tous les joueurs sont en train de féliciter les supporters. Donc tout ça crée une ambiance, le fait que tout le monde se lève sur le banc, que tout le monde a envie de partager, de jouer ensemble. Merci à toi. Ouais, c'est tout compte fait. On sent quand même que Lurel a changé un petit peu son discours. Il rend hommage maintenant à ce qui se passe sur le terrain. Et je crois que c'est bien, quoi. Ben ouais, Fred, tu sais, Antoine Lurel, c'est pas un mauvais mec. Et c'est un mec qui a eu un petit peu de mal en début de saison. Il a été blessé, beaucoup blessé la saison dernière. Blessé en début de saison. Il avait presque pris des responsabilités à son corps défendant qui n'étaient pas les siennes. Et il a été beaucoup critiqué pour ça. Il est de retour sur le terrain. Alors, il apporte ce qu'il doit apporter, puis on a l'impression qu'il catalyse un petit peu les énergies. Tu sais, Antoine Lurel, c'est un peu le catalyseur du groupe. Et surtout, c'est un relais important pour l'entraîneur François Sens qu'on va écouter, mais qui lui aussi essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. Et puis il le dit, hein, François Sens, il s'appuie sur les joueurs, il fait confiance aux joueurs, et notamment à Antoine. Allez, avec François Sens, le nouveau coach de cette équipe du SAP après cette superbe victoire. Coach, il semble que ça y est, quelque chose est réellement changé depuis quelques semaines dans le groupe. Deux victoires à l'extérieur, une à la maison ce soir pour vos débuts ici à Sorgues. Qu'est-ce qui se passe dans le groupe? Qu'est-ce qui a changé? Comme je disais, je pense à un ensemble de facteurs. Il y a une prise de conscience des joueurs qui dirait depuis un petit moment. Le retour d'Antoine, l'arrivée de Bennett, on est arrivé aussi. À un moment donné, c'est, je pense, l'ensemble de ces facteurs qui fait qu'on a réussi à créer une dynamique. On a la chance d'avoir 11 joueurs dans l'effectif. C'est pas toujours évident à gérer par rapport au temps de jeu, etc. Mais voilà, on voit ce soir un joueur comme Dylan qui n'a pas joué énormément avant, qui amène son écho, qui est vraiment important pour nous aux entraînements, qui travaille dur. Aujourd'hui, il est récompensé. Voilà, ça fait plaisir à tout le groupe. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est voir le groupe qui se lève et qui l'encourage parce que voilà, il est tout le temps là aux entraînements, il fait partie intégrante du groupe. Ce soir, il peut briller, tant mieux pour lui. On avait quitté un SAP où les mecs étaient au fond du gouffre, complètement anéantis mentalement presque. Et puis là, on voit des mecs qui prennent un plaisir terrible, qui se lèvent, qui s'auto-congratulent même à la fin du troisième. C'est bon signe pour l'opération maintien. Oui, c'est un bon signe. Dès le départ, on a réussi à avoir une belle qualité de travail. On a essayé de proposer quelque chose qui corresponde aux joueurs qu'on avait, avec la volonté de se partager la balle, défendre dur ensemble en défense et de se partager la balle en attaque. Comme je dis, moi, je regarde pas la statistique pardon, que je regarde, c'est les victoires. Essayer de trouver des tirs ouverts. Après, si c'est Brice qui les prend, Darius ou Dérémy, ça a peu d'importance. L'objectif, c'est de générer des bons tirs et de les prendre en confiance. Voilà, pour l'instant, on arrive à le faire. Il faudra continuer pour pouvoir se maintenir. Merci. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. Top chrono, basket. Allez, on revient avec le basket après avoir écouté Sainte. Mais ce personnage risque d'amener cette équipe d'Avignon Sorgue vers, on va dire, le haut du classement parce qu'il en a la qualité et surtout c'est un homme très humain. On a pu voir un petit peu son analyse. On sent déjà qu'il a pris le groupe en main et qu'il a déjà des idées pour l'avenir. Ouais, alors bizarrement, il prend le groupe en main sans avoir l'impression de prendre le groupe en main. C'est la grande qualité d'un entraîneur. Ah, c'est ouais. Justement de se faire oublier dans le groupe, mais en même temps d'imposer ses choix, d'imposer ses directives. Et là, il le fait de manière naturelle. Et bizarrement, on a l'impression que les joueurs étaient en attente de ça. Ils étaient en attente d'avoir une direction, mais une vraie direction. Pas... C'est le schéma tactique du basket. Le basket, je veux dire, tous ces garçons sont pratiquement joueurs professionnels. On ne va pas leur apprendre à faire un rebond ou deux. Tout ça, ils savent faire. Mettre le ballon dans le panier, ils savent. Mais par contre, ils ont besoin tactiquement d'être placés dans de bonnes conditions et de retrouver leur vrai poste et leur façon de jouer et dirigé par un vrai coach. Ouais, et puis tu vois, on voit des gestes qu'on n'a pas vus depuis le début de la saison. On voit des mecs comme Cheikh Soumaoro, par exemple, qui va se taper un dunk. Alors que depuis le début de la saison, il était presque renfermé, il ne se régalait pas. Tu le voyais, il traînait sa peine sur le bord du terrain. Pourtant, c'est un joueur qui a énormément de talent. Et là, la joie, tu vois, la joie, il est allé se pendre au panier, et ça fait plaisir, et ça montre ce nouvel état d'esprit. Et pendant qu'il fait ça, et ben, tout le monde se lève pour l'applaudir, et tout le monde, ben, bravo, on se régale, et bizarrement, et ben, nous, on a moins envie de dire des méchancetés sur le SAP. Le SAP qui, mine de rien, ce soir, pointe à la 12e place. Mais alors, c'est un petit peu le classement. Je pense que nos confrères de la presse se sont un petit peu trompés parce qu'ils marquent que le SAP et Mignon auraient joué 20 matchs. Il y en a d'autres qui ont joué 18. Je pense qu'il y a une erreur de frappe puisqu'on était à la 19e journée. Je vous donne les résultats. Quand on recevait Souffleway 77 à 73. Le central fédéral s'est fait corriger du côté des Vosges, 59 à 89. Le Grand Avignon recevait Angers, on connaît cette victoire, 89 à 69. Offer recevait Tarbes, lourde victoire, 93 à 60. Lorient a perdu face à Quimper, 44 à 45. Rennes-Ruel, on est allé aux prolongations, et c'est Ruel qui a gagné 108 à 106. Très bonne opération pour Avignon. Et Saint-Vallier recevait Vitré, 73 à 51. Chartres s'est fait secouer à la maison, 70 à 68. Et Orchier a gagné face à Chaland, 83 à 74. Quimper est premier avec 33 points. On retrouve Souffleway à 33 points. On s'éloigne pour retrouver Saint-Vallier pratiquement à 30 points pour le 6e. Et le 12e n'est qu'à 28 points. Et c'est bien sûr le Grand Avignon Sorgue. Voilà pour cette nationale 1. Les résultats. D'autres résultats, si tu les as en ta possession, pour la Nationale 3 et pour la pré-nationale féminine. J'étais sur autre chose, Fred, attends, alors j'arrive, excuse-moi. Pour les filles de la Barbière. Les filles de la Barbière. Non, Fred, excuse-moi, je allez, on continue. En Nationale 3, il y avait bien sûr le Grand Avignon Sorgue qui jouait du côté, dans leur salle, face à Noirardèche. Ça a été un petit peu la cerise sur le gâteau, puisqu'ils ont gagné 93 à 86. Montélimar a perdu le leader. Le leader est allé gagner, pardon, face à Tournon, c'était le derby, on va dire, de la Drôme. Et ils ont gagné 66 à 54. Montélimar est premier, quatrième, Sorgue Avignon pour la Nationale 3, poule L. En pré-nationale féminine, les filles de la Barbière ont fait qu'une bouchée de cette équipe de Martigues à Martigues. Ils ont gagné 62 à 54. Les autres résultats, Tarascon recevait Golgoth, 40 à 49. Et USPG Marseille recevait Vitrolles, 52 à 47. Laragne Gap recevait Grance, et 54 à 44. Sainte-Marguerite recevait Venet, 59 à 58. Et Simian Bouc-Belair recevait le SMUC, le derby, on va dire, des Bouches-du-Rhône, 54 pour le SMUC et 39 pour Simian. Les filles de la Barbière sont premières avec 25 points et on sera ravis de les voir à cette place. Top chrono, rugby à 15. Ah, alors là, on est arrivé dans les grands morceaux ce soir. On va regarder que les clubs bocusiens, ça n'a pas été terrible tout au long de ce week-end. Heureusement qu'il y en a d'autres qui ont essayé de sauver leur peau, et ils ont bien réussi. Je ne sais même pas s'ils ont réussi à la sauver, si c'est bien sûr Lille-sur-Sorgue qui nous a mis un 80 à 0. Tandis que revenons aux choses sérieuses, Jean-Yves, tu étais présent du côté de Coubertin pour ce derby qui devait être la grande fête du rugby. Peut-être ça n'a pas manqué à l'affiche, mais à la sortie, c'est Château-Renard qui gagne. Ouais, ça a été une belle fête quand même, parce que les tribunes étaient copieusement garnies du côté de Coubertin. Un derby comme on aime voir jouer un derby, c'est-à-dire un match super engagé, avec deux équipes qui s'envoient comme on aime voir les équipes s'envoyer, un match rude, un match où pendant la première mi-temps, on a vu très très peu de grandes envolées, on a vu des châteaux renardais qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup abusé du jeu au pied pour aller renvoyer le ballon systématiquement dans le camp des Bédaridés. Le pauvre arrière de la SBC, Franquine, a eu énormément de boulot. Il a passé son après-midi à se faire secouer. Il s'en est super bien tiré. Il a jamais été mis à la faute. Et puis, Château-Renard qui avait plutôt quand même mal débuté ce match, hein, puisque les Bédaridés ont l'occasion de marquer un essai, ils ne le marquent pas, mais ils prennent rapidement l'avantage au score, 9-3 à quelques minutes de la mi-temps. Et puis là, malheureusement, des fautes, l'indiscipline bédaridaise qui commence à faire effet. Les Château-Renardais qui passent à la mi-temps avec un petit peu d'avance. Et puis alors là, ça a été presque un petit peu le début de la fin. Les Bédaridés qui ont commencé à déjouer, qui ont commencé à faire beaucoup de fautes. Probablement que nos amis de la SBC ont un petit peu manqué de rythme et de lucidité sur la fin. Est-ce qu'ils n'ont pas rechuté de cette défaite à Saint-Hyr, Carqueran, quand on va dire que le point de bonus, c'est peut-être même la victoire, leur tendait les bras encore une fois. Ils ont, si on prend un petit peu le film des deux matchs, on perd encore à la fin, il nous manque ce dernier quart d'heure. Aujourd'hui, est-ce qu'on va être capable physiquement de pallier ce dernier quart d'heure parce qu'ils ont une façon de jouer qui est peut-être au-dessus de leurs moyens? Pour moi, il y a plusieurs facteurs, Fred. Le premier facteur, c'est l'absence de Marquis. On le voit, on va y revenir sur l'absence de Marquis. Guillaume Marquis, le capitaine, qui a été obligé de mettre un terme à sa carrière prématurément dans la saison. C'est encore Laurent, ce soir, au téléphone. Ouais, on l'aura parce qu'il me l'a promis. Il viendra nous parler. Hier, il était désabusé. Il a pas voulu trop discuter avec nous. Mais voilà, l'absence de Guillaume pèse énormément parce que Guillaume était capable de faire des gros matchs, d'être un leader et de peser sur l'équipe et l'environnement. Quand je parle d'environnement, je parle d'arbitre, je parle d'adversaire. On respecte Guillaume Marquis pour ce qu'il a apporté et manque de peau. On voit c'est un grand joueur. On voit ce qu'il n'apporte plus surtout. Ça, c'est le problème. Le deuxième problème, comme on l'a dit et répété plusieurs fois dans la saison, c'est que les Médaridés peinent à tuer les matchs. Là, encore hier, c'est flagrant. C'est flagrant depuis quelque temps. Ils ont la possibilité de tuer leurs adversaires, ils ne le font pas, et puis ils s'exposent. On l'a vu plusieurs fois cette saison, où ils auraient pu prendre des points de bonus, ils ne les prennent pas. On s'arrête là, c'est mal poli de couper la parole, quand tu es fait en train un petit peu d'analyser, mais juste je t'arrête là, je préférais un petit peu, et là je vais être un petit peu dur, je sais que peut-être je ne vais pas faire des grands amis ce soir, mais je vais être correct. Je préférais un petit peu le jeu de l'année dernière, où c'est que Bédari de tuer les matchs en fin de match. Subissez un petit peu le match et en fin de match tuer le match, et on est là, on est en sens inverse, on va tuer le match en début de rencontre, et à la sortie on perd. Non, parce que là, honnêtement non, parce que il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et tout le truc. Non. Les Bédaridés sont malgré tout troisième au classement. Effectivement, il y a un problème, on l'a dit là aussi pendant quelques semaines, probablement que le jeu Bédaridé est trop ambitieux par rapport aux moyennes techniques et physiques des joueurs là actuellement. Et du coup, ils attaquent fort, et puis il y a une grosse baisse de régime, et puis Chris White, avec qui on a eu l'occasion de discuter hier soir longuement, nous a dit la même chose. Il a dit, à l'entraînement, on répète des trucs, le rugby, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de faire des croisés, des machines, des trucs, on demande aux joueurs d'avoir un système, de se plier au système, et puis après, une fois qu'on a joué 2-3 temps de jeu, de varier. Là, le problème, c'est que on se complique trop la vie du côté des Bédaridés, on essaie de balancer beaucoup trop de rythme, et puis à la fin, on finit carbonisé. Le final, c'est que le troisième point, c'est que les joueurs manquent peut-être de rythme. Alors, moi, je ne rejoins pas ton analyse, Fred. Je préfère largement voir les Bédaridés de cette année que les Bédaridés de l'an dernier. Il y a plein de matchs que l'équipe de l'an... me plairait bien. Ça serait l'idéal, mais on n'y est pas. Il y a plein de matchs que les Bédaridés auraient perdu la saison dernière et qu'ils ont gagné cette année. Et d'autres, par contre, qu'ils auraient gagné plus largement la saison dernière, qu'ils ont gagné un peu plus petitement cette année. Attention. On est troisième au classement, il n'y a pas le feu à la boutique. Non, mais on voulait finir premier. On finira pas premier. Je pense que Yara Karkeran est largement devant. Est-ce qu'on finira second? Probablement. En tout cas, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Il y a 4 points. Alors 4 points, on va dire c'est peu et c'est beaucoup à la fois. 4 points, c'est les 4 points de bonus qu'on a ratés en cours de route. C'est 2 ou 3 fois des points de bonus offensifs qu'on ne prend pas pendant la première partie de saison. C'est le point de bonus qu'on rate la semaine dernière en déplacement à Yarkarké. Et c'est surtout le point de bonus qu'on perd hier. Parce que hier, jusqu'à 5 minutes de la fin, on joue à 15 contre 13. On est mené 19-12. On a l'occasion de marquer. On va marquer. L'arbitre refuse parce que ce n'est pas très clair. Et là, derrière, ça part un peu en sucette. Une pénalité, hop. Les Château Renardais retournent jouer dans le camp de Bédaride. Jusque-là, allez, on doit marquer, on ne concrétise pas, mais peut-être que c'est encore une fois un manque de lucidité, mais c'est pas très grave là. Jusque-là, c'est pas très grave, tu es encore dans le bonus. Là, coup franc, rapidement joué à la main, et puis là, ça explose complètement. On voit un mec qui rentre, qui traverse la défense bédaridaise, qui va marquer. Le point de bonus s'échappe, ces quatre points-là, ils sont là, Fred. Eh bien, alors on discutera, on reparlera de cette discussion dans les prochaines journées. Peut-être. Par contre, c'est vrai qu'on avait tous les matchs allés. J'étais très confiant sur les matchs retour, parce que le travail qui avait été fait en amont, j'ai dit, il va payer dans les matchs retour, puisqu'on va être toujours... Il va payer, parce que les joueurs emmagasinent de la caisse. Mais le problème, c'est que le calendrier, aujourd'hui, on a joué contre les gros. On a joué que contre les faibles. Après, non, parce que regarde, en deux semaines depuis le début depuis la reprise, tu te tapes un déplacement chez le premier, un déplacement chez le second. C'est ce que je dis. Donc, peut-être que ça va le faire. Non, mais pour eux, c'est pareil, ils ont pris le troisième du classement. Ouais, mais il reste quelques matchs relativement faciles à négocier. Et puis surtout, le risque principal, là, aujourd'hui, c'est de voir les Bédaridés sombrer dans une espèce de spirale négative. C'est pour ça. Il y avait qu'à voir la tête des joueurs hier dans les vestiaires. On a vu des mecs complètement abattus. On a le président qui a dû être remonté. Non, mais pas façon de parler, parce c'est vrai qu'il avait raison sur le principe de hier à Carquerana, parce que là on est en train de discuter sur cette analyse. C'est vrai que le point de bonus offensif, on ne s'en rend pas compte, mais il est énorme de l'avoir laissé en route à Carquerana hier, parce qu'aujourd'hui, ce soir, même avec la défaite, on serait qu'à 3 points, on est à 4, c'est encore différent. C'est les points de bonus qu'on a ratés, qu'on a laissé passer depuis le début de la saison. Je me souviens, mais on en a parlé toi et moi. Saint-Raphaël, Fréjus à la maison, il y a un point de bonus à prendre, on ne le prend pas. Le point de bonus offensif, on ne le prend pas. Le point de hier à Carquet la semaine dernière, on ne le prend pas. Le point de bonus défensif de hier à Château-Renard, on ne le prend pas non plus. Et mine de rien, tu vois, eh ben, c'est 4 ou 5 points relativement faciles à choper que les autres ont chopé par contre. Parce que quand Château-Renard se déplace, qu'ils perdent, ils ramassent un petit truc. Et nous, malheureusement, 3 défaites. Pas de point de... Enfin, alors c'est pas grave, il n'y a pas péril dans la demeure, loin de là. Juste une chose, c'est que comme on dit, l'appétit vient en mangeant, l'ambition du club était signalée. Là, pas la qualification, certes, mais la première place aussi. Malheureusement, il faudra peut-être voir la troisième place consolider, et on verra la suite. Il y a un risque de sinistrose qui est clair. On a vu dès la fin du match hier Mika Mabillon se ruer au milieu du terrain et parler très très très longuement à ses joueurs qui étaient réunis autour de lui au milieu du terrain. Gilles, peut-être tu me contrediras, mais je pense qu'on n'était pas loin des 10 minutes, chose qu'on voit rarement. Mika Mabillon a gardé ses joueurs près de lui, on le voyait. On le connaît, Mika Mabillon, c'est un mec qui est plutôt quand même expressif en temps normal. Là, il était surexpressif. Je voudrais qu'on écoute, si tu veux bien, l'analyse du nouveau capitaine On est parti. Langlade. Avec Victor Langlade, le nouveau capitaine de cette ASBC aujourd'hui. Victor, tes impressions après ce match compliqué aujourd'hui? Frustré, parce qu'on fait une super entame, quoi, physiquement. On est mieux qu'eux, on fait des plaquages offensifs, on fait franchement un très bon début de match. Et voilà, après on déjoue, on fait des fautes. Et franchement, là-dessus, on se prend. La fin de la première mi-temps nous a tués parce qu'on s'est pris 9 points dans la gueule sur des fautes bêtes. Et voilà, et au final, trop frustré parce que le point de bonus défensif qu'on devait garder, et on se fait trouer à la fin et on perd ce match franchement avec beaucoup, enfin on est tous dégoûtés là, on est vraiment abattus et voilà, il faut rebondir. On a l'impression que vous finissez moins frais qu'eux et que par moment sur les 5-10 dernières minutes ça manque un petit peu de lucidité par moment. Tu as ressenti ça toi aussi? Ouais, carrément, la lucidité là on l'a perdu, surtout quand on joue à... Quand on est à 13 contre 15, quand ils sont 13, on est 15, on est à 5 mètres de leur ligne. On se doit de marquer, on se doit de faire match nul. Je dirais même qu'on se doit de le gagner ce match. Et là, franchement, c'est vraiment. Là, on n'a vraiment pas été bon sur la gestion du jeu là-dessus. Parce que 13 contre 15, normalement, on doit marquer. Eux, ils marquent à chaque fois, ils traversent. Il marque, nous on rentre, on doit marquer en début de première mi-temps. Voilà, on ne concrétise rien, on n'est pas du tout réaliste. Il va falloir bosser ça. C'est un peu à l'image de ce qu'on a vu depuis le début de la saison, où plusieurs fois vous avez l'occasion de tuer les matchs et on en avait déjà parlé ensemble. Vous avez du mal à tuer le match quand vous devez le tuer. Et là aujourd'hui, encore une fois, vous êtes en position de les marquer, ces mecs-là, et vous ne le faites pas. Ouais, et vous subissez encore. trop irrégulier, quoi. Trop irrégulier dans la gestion de match. D'un coup, on fait des entames où ils nous craignent, et puis d'un coup, on lâche tout, on prend 9 points d'un coup, et on doit garder un point de bonus plus que précieux, et au lieu d'envoyer, on relance de notre en but, quoi. C'est pas possible. Donc voilà. Il va falloir rebousser et il va falloir vraiment, vraiment s'y remettre. À titre perso, comment tu vis le départ de Guillaume et ta promotion, entre guillemets, même si ça n'est pas vraiment une? Voilà, j'en place Guillaume. Moi, j'essaie de faire le mieux possible. Je suis fier d'être capitaine de la SBC. Mais voilà, c'est une grosse responsabilité. On se doit d'être encore meilleur. Moi, je le vis bien. Et je veux mener les mecs pour les phases finales. Et là, tout le monde a la tête en bas. C'est moi. Je me dois d'être derrière eux et de les motiver. Est-ce que ça te pénalise pas un peu dans ton jeu, justement, de laisser un peu d'influx dans ton capitanat? Parce qu'on t'a senti presque aujourd'hui un peu moins tranchant que d'habitude. Et l'impression de là où on était, nous, d'en haut de la cabine, que tu laissais beaucoup d'énergie à parler les arbitres, à essayer de rebooster tout le monde. Et du coup, que tu étais moins, entre guillemets, moins présent dans ton jeu. Ouais, c'est possible. Mais bon, j'essaye de faire le maximum. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, en plus, l'arbitre, il y a quand même des décisions qui ont été vraiment, vraiment compliquées. Pas du tout de cohérence. Et dans des matchs comme ça, on doit peser sur l'arbitre. Moi, je dois peser aussi en mêlée, je dois peser en touche, on doit peser dans le combat. Il faut que je pèse avec l'arbitre. Parce que là, pour l'instant, le problème, c'est que l'arbitre n'a pas été au rendez-vous non plus, quoi. Merci, Victor. Merci. Eh bien, Victor Langlade qui a pris une nouvelle cape, c'est vrai, remplacer Guillaume Marquis. Je me suis aperçu au début de ton interview. Ça veut dire à la fois je suis content, mais à la fois pour le remplacer, c'est pas possible, quoi. Alors Guillaume, Victor. Victor Langlade, c'est un grand joueur. C'est un mec qui a connu très haut niveau. Le type, il a pas joué en pro D2 juste par hasard. D'accord. Le boulot, il sait le faire. Le jeu, il connaît. Le rugby, il connaît. Maintenant, n'est pas automatiquement capitaine. Tu ne deviens pas un grand capitaine par simple décision de tes entraîneurs, quoi. Guillaume Marquis avait la chance de pouvoir être à la fois un grand joueur et d'être un leader par l'exemple et d'être un leader de vestiaire. Un leader de vestiaire, c'est-à-dire un mec, quand il rentre dans les vestiaires, quand il parle, il dit et tout le monde la ferme. C'est clair. Victor est un grand joueur et probablement un leader par l'exemple, mais il lui manque encore ce petit charisme qui fait que il peut ronger le cerveau d'un arbitre pendant le match. Il n'y est pas arrivé hier. Et puis il n'arrive pas à ronger le cerveau de ses coéquipiers. Et je crois savoir par des indiscrétions qu'il y a eu des discussions autour de ça. Les coachs se sont concertés justement avec Guillaume. Parce qu'il n'y a pas de réel capitaine qui, pour le moment, se dégage de ce groupe. Il n'y a pas de leader. Il y avait trois possibilités. Je ne te donnerai pas les trois, mais il y avait trois possibilités. On a donné la prime à l'ancienneté et à l'expérience. Victor, peut-être qu'il va devenir un grand capitaine, je l'espère en tout cas. Allez, on tourne une page de publicité et après on revient avec la Fédérale 3. Top chrono, rugby à 15. Allez, juste pour terminer en rugby à 15, en Fédérale 2, je vous donne les résultats de cette journée de championnat qui était la 10e pour certains, la 9e. Et il y a eu même des matchs remis, ça paraît invraisemblable. Voiron, Tricastin, remis, pourquoi? Il devait faire froid sûrement. Il devait faire froid, voilà, d'accord. Châteauroux d'Arbissure a gagné Bédari de 24 ans à 12. Nice a étrayé Saint-Raphaël-Fréjus 49 à 14. Et Montélimar a juste mis loin cette nougat pour pouvoir battre hier en Carquerane 15 à 14. Premier hier en Carquerane à 35 points. Châteaurenard 33, l'ASBC 3e avec 29 points et on voit Nice qui arrive juste derrière avec 27 points. Et après par contre c'est terminé pour le reste puisque Saint-Jean-Royan 21 points, Tricastin 12, Saint-Raphaël 12, Voiron 11 et Monténégard 11. Ils vont se battre pour ne pas descendre. Par contre, c'est un deuxième championnat qui démarre dans la même poule. Fédéral 3, si tu veux, Jean-Yves, parler de ce derby qu'il y avait dans cette poule 9 entre les Angles et Avignon-le-Ponté, qui s'est soldé par, on va dire, une vraie derby cette fois-ci, puisque la dernière fois, le score était très fleuve pour cette équipe de des Angles. Ouais, les Angles qui étaient allés s'imposer du côté d'Avignon-le-Ponté, je ne m'entendais plus. Les Angles qui étaient allés s'imposer du côté d'Avignon-le-Ponté. Ils avaient fait plus de 30 points. Ils avaient fait des 30 points. Là, on n'est pas dans ce truc-là. Là, ce coup-ci, il y a eu un vrai derby, je te le promets. J'ai eu des joueurs qui ont participé, j'en ai vu une paire. Ils ont participé à ce match-là. Un derby comme on les aime, un derby à l'ancienne, avec un coup d'envoi un peu tendu, des marrons qui sont tombés quand il fallait que ça tombe, et puis des Angles qui ont construit leur succès là-dessus. Il n'est jamais facile d'aller s'imposer à Pagès, encore moins des jours de derby. Et puis des Angles qui avaient à cœur de se remettre dans le bon sens, puisqu'ils avaient fait un énorme début de championnat. Ils avaient eu un passage à vide là, courant décembre, fin novembre, début décembre. Et puis là, à nouveau, ils ont enclenché la marche avant. Alors là, on ne peut pas dire châtillé, mais en tout cas, ils les ont un peu concassés quand même. Il y a de la casse du côté de l'État. Ce qui est rigolo dans cette poule 9, et on s'arrête juste là, parce que bien souvent, c'est vrai que tu fais cette analyse des fameux points de bonus offensifs. Quand au moins Avignon, avec deux matchs gagnés et tout le reste perdu, ils sont quand même dans les clous. Quoi. Ils descendront pas s'ils veulent, parce qu'ils ont fait 8 matchs, 8 points de bonus gagnés. Regarde, Fred, on prend simplement le résultat de samedi après-midi. Les Angles, 16, Avignon-le-Ponté, 9. 7 points d'écart, bonus défensif. Et un de plus dans la marmite. Et à chaque fois, même quand ils chargent, ils récupèrent le point de bonus. Même quand ils gagnent petitement, ils ont un point de bonus offensif. Même quand ils vont prendre quand ils ont une défaite sur leur terrain, il y a encore un petit point de bonus. Là, ils jouent un derby de fou face aux Angles, et hop, ça gratte encore un petit point. Ça serait intéressant, nous on l'a pas, si on l'a quelque part. Regarde, le bonus offensif, les points de bonus pour Avignon-le-Ponté, c'est 8 points. C'est pratiquement le maximum qu'on puisse prendre. Regarde, je vois que personne n'a fait mieux. Regarde le nombre de points de bonus, on va revenir 2 secondes sur la Fédérale 2. Bédari de Château, bonus 1 point. Tu as tout compris. Enfin, j'invente rien là, quand je te dis que ces points-là sont relativement faciles à glaner, qu'ils comptent à la fin. Exactement, je crois que c'est vrai. Alors on va passer à cette poule 10, juste pour vous rappeler quand même que Sorgue-Avignon sont 8e, premier CBR, deuxième Martigues, et puis on retrouve les Angles qui sont, on va dire, très loin du leader Kéber, puisqu'ils ont 31 points, le leader en a 46. Il y avait un autre match qui se jouait, c'était Martigues face à Givor dans cette poule 9 de Fédéral 3. Martigues a secoué Givor 59 à 20. Passons à la poule 10 avec Cavaillon qui était là à la Valette. Et eux, par contre, aussi, se sont fait vraiment secouer aussi, puisqu'ils en ont pris 27 à 3. Et ils se sont, par contre, balade de santé, quoi. Ouais, puis juste pour étayer ce qu'on était en train de dire à l'instant, si tu prends le 8e de la poule 10 et le 8e de la poule 9, c'est-à-dire Le Ponté et Vallée du Gapot, Vallée du Gapot a un point de bonus, et Le Ponté en a 8, ça risque de faire la différence à un moment ou à un autre. Et 5 victoires, ils n'en ont que 3, ils n'en ont que 2. Bien sûr, bien sûr, parce que ça va. À un moment, tous ces trucs-là font la différence. Et c'est dommage de ne pas faire plus attention à ça quelque part, tu vois. C'est probablement ce qui va sauver Le Ponté. Et c'est le mal récurrent, on revient 2 secondes sur la SP d'Aride, c'est le mal récurrent qu'on croyait qu'il allait être commé en deuxième partie du championnat, mais qui est encore là. Soyons confiants, Fred, parce que malgré tout, on a vu des jolies choses. On a vu des mecs qui ont du talent. Il y en a plein. Je te parlais tout à l'heure de Franquine qui a passé l'après-midi sous les grelons. Toute la journée, les mecs ont tapé sur lui. Toute la journée, il a été serein. Il n'a pas tombé un ballon. Il a de la qualité, bien sûr. Bien sûr, mais il n'y a pas que lui. Je pourrais tous te les citer. C'est ça le problème. Parce que c'est collectivement, ces mecs-là, ça a failli un moment dans le match. Mais après, individuellement, tu peux rien reprocher à personne. Quand on a des bons joueurs, on attend toujours plus d'eux. Et je crois que, quelque part, c'est le mal du sport. Quand on a une belle équipe, on a envie de l'avoir jouée, on a envie de l'avoir gagnée, et on a envie un petit peu de l'avoir brillée au plus haut niveau, parce qu'on y a mis les moyens. Mais pour l'instant, ça prend. Ça va prendre, encore une fois. Je te l'ai dit, il y a des défaites qui auraient été dramatiques la saison dernière et qui ont été des victoires là. Top chrono, volleyball. Allez, les résultats du volley, on va parler en Elite A, poule A. Avignon est allé gagner du côté de Fréjus 3-7-0. Ils sont leaders de cette poule A en Elite, championnat de France. En poule B, l'équipe d'Orange, je regarde où ils sont nos amis orangeois. Ils ont gagné à l'extérieur contre Nancy, me semble-t-il. Exactement, hein, ils ont gagné à l'extérieur contre Nancy. Je les cherche encore, je ne les vois pas. Tant pis pour moi. Et oui, ils sont allés gagner 3-7-2 du côté de Nancy. C'était en Ligue B, puisque c'est vrai que Orange joue au niveau supérieur par rapport à Avignon. La suite. Top chrono, football. Alors ce soir, il n'y a pas M. Henry, on va aller très très vite dans ce championnat de France de football. Dommage, parce que j'aurais bien aimé qu'Henry soit là. Avec GFoot 84, n'oubliez pas, si vous voulez tous les résultats de tous les championnats, surtout nationaux, la CFA et la Ligue méditerranéenne, et le championnat le plus relevé, c'est le district Rhône-Durance, hein, la PHA, la PHB et tous les autres résultats, vous retrouvez ça sur GFoot 84. Je peux vous dire que le site est fantastique, et vous retrouverez tous les news qui se passent dans le football. Il y aurait eu Henry, ça aurait été beaucoup plus simple. Revenons au Pontet qui recevait Colomiers. Eh bien, malheureusement, ils ont encore chuté puisqu'ils ont perdu 2-1 face à cette équipe de Colomiers. Colomiers qui avait besoin de points, et le Pontet qui était vraiment à la recherche d'une nouvelle victoire. Eh bien non, ça ne sera pas le cas. Ils vont rester bien à la 14e place avec 17 points, en sachant que les quatre derniers descendent. Martigues qui est juste devant eux avec 19 points. Il va falloir serrer des coudes, puisqu'on est qu'à la 17e journée. Il y a 33 journées de championnat dans ce championnat de CFA. Il y a de quoi faire encore, et en espérant que les ponticiens reviendront vite. Revenons à la Ligue méditerranéenne. En honneur, eh bien, l'équipe de Pernes est allée à Sainte-Maxime, et eux aussi, ils se sont fait corriger puisqu'ils ont perdu 3-1 face à cette équipe de Saint-Maxime. Les Pernois qui sont 10e à l'heure actuelle avec 24 points, et le leader est Cannes avec 37 points. Espérons qu'ils retrouvent dès dimanche prochain sur leur stade des vertus qui sont les leurs. En honneur régional, nos amis de Courthézon recevaient le premier canton. Un joli match nul face au leader à domicile, 0-0. Et qui fait pointer à la 10e place. Eux aussi, il va falloir cravacher, parce que ce championnat est vraiment très très difficile, puisque le leader et le premier canton, ils étaient en déplacement du côté de Courthézon. Le score 0-0. En Ligue Méditerranée filles, les Montiliennes recevaient leur homologue d'Avignon. C'était le derby au sommet ici à Monteux, et bien ils ont gagné 4-1. Monteux qui est 4e avec 39 points, et Avignon qui pointe à la 8e place avec 25 points. Le leader, et bien sûr, c'est l'Olympique de Marseille 2. Je descends dans ce championnat pour me retrouver en championnat Rhône District. Et bien sûr, la PHA avec les résultats. C'est Carpentras qui est allé gagner dans le derby face à Pernes 2, 3-1. Mayenne est toujours leader dans cette PHA avec 38 points. L'US Avignon recevait 9, ils ont gagné 1-0. Ils sont pointés à la 3e place avec 34 points. Tandis que Courthézon 2 recevait Mayenne. Mauvaise journée pour Courthézon puisqu'ils ont perdu 2-0 la réserve. Ils sont pointés à la 10e place là aussi avec 27 points. En PHB, deux petits résultats. Cavaillon-Jonquière 1-0 pour le leader Cavaillon. Et Monteux se déplacer du côté de Aubune, ils ont gagné 1-0, ils sont 3e, tandis que Saint-Didier, qui talonne, on va dire, Cavaillon, recevait le Provence RC, ils ont gagné 4-0. En poule B de cette PHB, on regarde que l'Espérance Sorgaise, qui est pratiquement à la 2e place dans cette PHB, a perdu à l'extérieur, bien sûr, à Égalière 2-1, tandis que Orange, qui est leader, a étrier Gadagne 4-0, et ils sont leaders avec 10 points d'avance. Ils vont remonter sûrement en PHA quand on imagine qu'ils jouaient en 4e division il y a jadis quelques années en arrière. Top chrono, hockey sur glace. Jean-Yves, rien ne va plus, même à Chambéry, les Avignonnais en hockey sur glace en 2e division ont pris, on va dire, un carton. Malheureusement pour nos amis d'Avignon, oui, ils ont pris un carton, ils ont encore pris 11 buts. Ça fait beaucoup. Les Avignonnais qui pointent à la dernière place de ce championnat, qui manifestement ne sont pas invités dans ce championnat de poule B de la Division 2. C'est dommage parce que moi j'ai énormément d'affection pour ce groupe, pour ce club. Voilà, après, c'est compliqué de tirer des enseignements là-dessus. On sait qu'il y a d'autres facteurs que le facteur sportif pour les castors. Il y a des facteurs financiers. Il y a le fait que leur glace a été endommagée pendant la préparation, le début de saison. Ça pèse peut-être un petit peu là-dessus. C'est jamais facile d'aller s'imposer dans les Alpes, à Chambéry encore moins. On le sait puisqu'on était vendredi soir. On était à Gap, et on avait vu Gap à Strasbourg, ils ont pris la grêle. Et je vois que mardi, les Capanessés se sont déplacés du côté de Lyon. Ils ont gagné 4 buts à 2. On voit un petit peu le collectif de cette équipe de Gap qui est terrible. Il y a un entraîneur qui est tout à fait symbolique, ouais. Parce qu'il est avec son petit chapeau et sa petite susu à la bouche. On se croirait que c'est Kojak. Ouais, mais je peux vous assurer, il est fantastique. C'est Kojak, mais il fait le job. Pour revenir 2 secondes sur nos amis avignonnais, moi j'ai l'impression que là, ils ont choisi de laisser filer. De toute façon, le championnat s'arrête très vite. On va repartir sur un deuxième championnat, une deuxième poule qui va peut-être leur permettre de sauver leur peau. Et puis, pourquoi pas espérer en tout cas prendre le temps de reconstruire quelque chose et puis trouver enfin une solution à cette histoire de patinoire à Avignon. Parce 14 que, matchs, 14 défaites, je pense qu'il va falloir que vraiment ils se mettent au travail parce qu'il me semble que c'est pas ça va pas être simple. Hein. C'est pas qu'un problème de travail, Fred. On sait que les Avignonnais ne sont... sont invités à la patinoire, ils sont même pas invités puisqu'ils payent. Ils payent. Imagine n'importe quel club de rugby obligé de payer pour pouvoir s'entraîner sur leur terrain. C'est un truc de fou. Ça te plombe. C'est un truc de malade, excuse-moi. Ben oui, mais clairement, je crois que Didier a quelque chose à dire. Vas-y Didier. Oui, je voulais te demander où est-il à la logique puisqu'ils doivent payer pour s'entraîner. Alors s'il y avait une logique à ce problème-là, je pense, Didier, il y a très longtemps que cette histoire dure. Il faut savoir que la patinoire d'Avignon, c'est une patinoire privée. Okay. Qui est mise à disposition par le propriétaire de cette patinoire au club, moyennant finance, moyennant beaucoup d'argent, beaucoup trop. Et l'argent qui est investi pour pouvoir louer les infrastructures n'est pas investi en infrastructure pour le club. C'est-à-dire, pendant ce temps, on ne peut pas payer des bons joueurs. Il y a des bons joueurs, mais peut-être qu'il en manque un ou deux et on ne peut pas les faire revenir. On ne peut pas... Il y a plein de choses comme ça. On est obligé de faire attention au moindre déplacement, on est obligé de faire attention au moindre truc. Et la patinoire pour laquelle ils payent, en début de saison, était en panne. Parce que la patinoire, ouais, c'est pas un terrain de rugby, ça tombe en panne. Et là, tu es obligé d'aller t'entraîner à Marseille, à Montpellier, à machin, à truc. Ça te flingue ta saison, point barre. Et entre nous soit dit, au niveau... Alors, tu fais bien d'en parler, parce qu'on va revenir dans quelques minutes avec l'athlétisme. Quand c'est qu'on reçoit M. Yémoni, et qu'on parle sérieusement un petit peu des infrastructures sportives d'Avignon. Ça va nous intéresser, justement, il y a une remise en cause. Il n'est plus adjoint au sport. Il n'y est plus, je ne sais pas s'il n'est pas dans le composé, mais il reste quand même au sein du conseil encore adverse. Municipal, d'accord. Il a démissionné de son poste de premier adjoint. Il y a eu plein de choses, c'est des choses que je maîtrise pas. Ouais, il n'y a pas peur à moi. C'est simple. Non, je plaisante. Les types démissionnent de leur délégation, mais gardent leur poste d'adjoint. Voilà. Ils veulent plus travailler, mais ils continuent à prendre leur argent. Voilà, c'est simple comme tout. Il y avait une bande de personnes qui étaient à la mairie d'Avignon qui s'occupaient de tout et de rien, sans vraiment s'occuper de tout. C'est dommage parce qu'il avait de bonnes idées, Yémoni. Il avait envie de faire bouger le sport en Avignon, et je crois que tout compte fait, comme beaucoup, tu te heurtes à un mur. Ce garçon est un sportif et pas un politique. C'est pas plus compliqué que ça. La politique, c'est un métier. Le sport, ça en était un autre. Yémoni est un grand champion. Il l'a prouvé. Il a été international. Il a gagné des titres. On va pas s'étendre là-dessus. La reconversion, et spécialement à Avignon, est compliquée. Il y a quelques années, il y avait un grand champion de cycliste qui était adjoint au sport à la mairie d'Avignon, qui s'appelait Thierry Bourguignon, qui en a chié des rondes de cuir pour essayer d'imposer des idées, pour essayer de faire avancer les choses. Il n'a jamais rien fait avancer, ce pauvre garçon. Ce n'est pas ses qualités qui étaient en cause. Ok. Top chrono, athlétisme. Allez, parce qu'on a une grosse page du rallye de Monte Carlo qui va nous prendre beaucoup de temps. On a parlé, on n'a pas vu le temps passer. Malheureusement, Didier Bougon, et Bibi Bip, il va faire vraiment un Bibi Bougon. C'est le cas de bon, le dire. Je suis dans la starting box. C'est parti. Alors, c'est vrai que dans ce domaine, maintenant, on appelle ça les quarts de finale championnat régional. Alors, vite fait, bien fait, les quarts de finale, ça résume à tout. C'est qu'au niveau de la Provence, il y a également la région Côte d'Azur. Donc il y a une partie des championnats régionaux en Côte d'Azur et une autre partie qui était ici, qui était dans le Vaucluse. Bon, c'était encore Roberti qui était sollicité. On voit dans l'éditorial froid glacial, non. Il ne faisait pas froid, c'était supportable. Ouais, c'était dimanche, est-ce qu'il a pas tombé quelques petits flocons? Juste à la fin, moment, à la fin quand tout était fini. Ah bon, d'accord. Donc, ça a été plié en matinée, là. Comment ? À midi, tout le monde rentrait à sa maison. Non, il y avait du monde. D'ailleurs, là, ils connaissent le parcours depuis qu'ils le font. Depuis qu'ils le font, ils le connaissent. Donc, j'ai discuté également avec Pascal Terran, qui aimerait avoir une fois les régionaux à Cavaillon. Ce qui manque, peut-être, c'est une certaine étendue pour accueillir ces championnats régionaux. Mais je pense qu'il faudrait tenter un peu le coup parce que, bon, après, je sais que c'est au niveau de la municipalité du Pontet qui voulait ces régionaux. Alors, si on analyse un petit peu sur ce championnat et nos chances de victoire au championnat de France, est-ce qu'elles sont réelles ou pas? Alors, il faudra déjà passer nos chances au niveau du championnat de France, aller dans le Var, à Bac, à Roquebaron, où là, bon, ça va être les demi-finales, puisque ça va être coupé en quatre. Bien et sûr. Ces demi-finales vont pouvoir voir si nos Vaucusiens auront des chances à pouvoir courir et à maintenir la dragée haute aux autres clubs de toute la France. Donc, ça sera à Saint-Galmier, fin février, le 26. Alors, sinon, on peut dire que côté jeune, on a des surprises. Hein, et côté surprise, bon, moi, je suis quand même content, c'est de voir qu'à Apt, malgré les moyens qu'ils ont, il y a une petite jeune en Benjamin et entre sangle Clara qui fait deuxième. Chapeau, puisque je connais le coach, il se déplace à droite à gauche, il fait des kilomètres, il arrive à maintenir le bateau comme il le peut. Apt et Bernard se donnent les moyens, et tant mieux pour lui, pour que ces jeunes continuent et perturbent. Ensuite, nous avons les minimes garçons, où là, ma Cross Gabin de Carpentras fait quatrième. Et on regarde Carpentras, Romain Legendre qui s'impose sur une course tactique devant Valentin Bresque de Gap. Mais il y a tout un travail derrière qui est fait par l'équipe d'Éric Fagot, qui est entre autres le président et président pour cette première année. Chapeau pour au niveau de son boulot, au niveau des jeunes. Et également, au niveau de Carpentras, il y a également un autre athlète. C'est une cadette, Manon Fournier, qui fait troisième. Donc, chapeau bas. C'est vrai qu'Éric Fagot a fait depuis un certain temps un gros boulot. Maintenant qu'il est président, il en récolte les fruits. Et à toute son équipe d'éducateurs et éducatrices au sein de ce club. Il y a toujours monsieur, madame, comment il s'appelle? Oui, monsieur est décédé, mais madame est toujours là. C'est incroyable. Et c'est la famille, tu as le nom, j'ai le nom. Ouais, c'est moi aussi, excusez-moi. Ces gens-là, depuis que je suis arrivé dans le Vaucluse, depuis 25-26 ans, ils étaient toujours présents. Toutes les courses, on les voyait. Monsieur est parti, madame est restée. Ouais. Alors là, c'est grand respect, ouais. je trouve pas les mots. Ouais. Ensuite, c'est vrai que, bon, côté course, il y a eu des surprises. Donc, j'ai cité le cas de Romain Legendre en cadet de Carpentras, mais il y a également le jeune Saber Voisine de l'APA du Pontet Avignon qui s'impose sur une course intelligente en junior, sens tactique aiguisé, comme ils le disent. Mais oui, mais le garçon, il a su s'imposer en gérant sa course et il est là sur le podium, première marche. Ensuite, côté résultat également individuel, et c'est les filles du CSMA, où nous avons Elodie Magnès qui s'impose sur le cross-court avec plus de 30 secondes sur la deuxième. Et derrière elle, à cinquième place, c'est Sandra Saès qui fait une belle course. Dommage qu'il n'y ait pas d'autres filles du CSMA parce que normalement, il y avait course par équipe. Mais bon, tant pis pour elle. Lasco Marguerite fait des podiums à droite à gauche par équipe. Ensuite, sur le cross-long, encore un athlète Mefka LKR de CSMA qui fait une très belle course, course intelligente, tactique. On voit que pour le deuxième, qui est un athlète du club de Salon de Provence, Quentin Cou, à quelques encablures, mais c'est surtout, je suis un peu surpris que Paulo Moya, qui est de l'Asco Marguerite, ne fasse que troisième, parce que c'est pas le dernier né sur ce style de course, et apparemment, bon, c'est le CSMA qui s'impose. Et sur le cross long, nous avons les filles de l'Asco Marguerite qui font une super course par équipe, puisqu'elles font 1, 3, 4 et 5, et celle qui les empêche de faire les... qui leur prend la deuxième place au niveau du classement général, ben c'est une athlète du club de Montfavet, Ilham El Mouradi. Et chapeau, puisque derrière elle, nous avons quand même Marion Barlaquet, c'est Marion Barlaquet qui est de la SCO Marguerite, mais à quelques encablures près, à la sixième place, c'est une athlète de Carpentras, qui est une vétérane et qui s'impose et qui a eu sa revanche donc sur Sandra Martin qui fait 7e, et Sandra Martin fait donc 2e vétérane. Donc dans l'ensemble, au niveau des courses, on peut dire quand même que les Vauclusiens s'en sont tirés, mais on verra vraiment les Vauclusiens et les Vauclusiennes aux demi-finales donc dans le Var. Et s'il y a des qualifiés, il y aura des qualifiés pour les France. Donc on pourra tirer des leçons au niveau de cette partie de ce championnat et championnat interrégional qui auront lieu à Roquebaron dans une quinzaine de jours. Le magazine Horizon, c'est l'heure, juste avant de voir le 85e rallye du Monte Carlo dans quelques secondes. Et c'est Monique qui s'y colle. On remercie Marie pour toutes les dates et les petits rendez-vous dont je suis un petit peu friand. J'espère que vous avez un papier, un stylo, un crayon. Vous avez l'oreille bien tendue. N'oubliez pas, demain soir, aux alentours de 20h, la rediffusion de cette émission. Si vous avez oublié quelque chose à dire et à noter, eh bien, vous aurez la chance de pouvoir la réécouter. Mais pour l'instant, cet horizon. Oui, voilà. Alors, je vais faire rapide, puisque je crois que vous avez une grosse page d'actualité sur le Monte Carlo. Alors, vous avez le samedi 28 janvier, le trail blanc, donc les traces blanches du Ventoux, départ à 10h du Mont Serein. Donc voilà, c'est une course qui doit être assez extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a de la neige actuellement, mais voilà, vous avez ça au Ventoux le 28. Vous avez également le samedi 28, on en a également parlé la dernière fois, la rando Bristrot autour du Diamant Noir. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un concept initié par la Fédération des Bistrots de Pays en partenariat avec le syndicat mixte de Mont-Ventoux. Donc voilà pour le rando bistrot. Vous avez le dimanche 29 janvier, VTT Challenge Gardois des Terres de Sommières. C'est la première édition. Vous avez un 9,5 km avec un dénivelé positif de 230 mètres. Et voilà, pour finir, une compétition de BMX, c'est le dimanche 29, aux Angles, dans le cadre du championnat de Vaucluse. Voilà, c'est une petite page d'horizon. Oui, c'est une petite page d'horizon, mais elle était là et c'était très bien. Ouvrons le grand magazine qui est Focus. Allez, ce soir, on va vous parler de ce 85e rallye du Monte Carlo. Le Vauclusien était ouvreur. C'est notre ami Florian Bernardier. On lui fait un petit bonjour ce soir, puisqu'ils n'ont pas pu rejoindre la principauté de Monaco. Ils ont, on va dire, ce problème mécanique dans la troisième journée de ce rallye du Monte Carlo, qui en comptait pratiquement quatre, puisque le mercredi était, bien sûr, le fameux Chuck Den et la préparation de ce rallye du Monte Carlo, qui a été tout au long de ce grand week-end, de mercredi à dimanche. Ça a été, on va dire, un rallye du Monte Carlo qui a tourné autour de Gap. Mais on parlait il y a quelque temps d'économie, de voir un petit peu au niveau de la pollution. Quand on pense qu'on est allé faire le Chuck Den et réviser les véhicules du côté de Gap, on est allé à Monaco pour prendre le départ le jeudi matin de ce rallye du Monte Carlo qui nous a mené à Gap encore une fois. Ça paraît invraisemblable, mais c'est comme ça que ça se passe. Le mercredi après-midi, à partir de 3h de l'après-midi, me semble, c'était 16h. Il y avait le Chuck Den pour les véhicules. Tout le monde a fait le Chuck Den. On ne va pas revenir sur ce classement qui est assez dérisoire, puisque c'est pratiquement, on va dire, une preuve d'essai pour les écuries. Et les choses sérieuses démarraient le jeudi 19. On partait de Monaco aux alentours de 18h15. On devait rejoindre Gap aux alentours de 0h50, deux spéciales. Et la première épreuve chronométrée qui a été télévisée par nos amis de l'équipe et qui a un petit peu été la stupeur, puisque quand même une personne a perdu la vie, un photographe amateur. On a été vraiment touchés. Tout à l'heure, on verra que dans ce fin de rallye, eh bien, le président de la Fédération Internationale Automobile, qui est Jean Todt, reviendra sur ces faits. Il marquera bien l'accent avant de parler de la nouvelle réglementation, puisqu'on s'est aperçu que les véhicules ont pris de l'ampleur. Les élargisseurs d'ailes ont été autorisés dans ce nouveau règlement WRC. Il y a aussi les ailerons qui ont été mis, qui ont été accordés, et surtout, on va dire, les bas de caisse pour pouvoir garder de la garde au sol encore plus, pour aller encore plus vite, sauf la partie mécanique, et surtout, la puissance n'a pas été relevée. On reste toujours dans les 300-320 chevaux. Jean-Yves, peut-être un petit mot juste avant de dérouler le long film de ce rallye du Monte Carlo. Ouais, juste un petit mot, mais ça va être rapide, pour revenir sur l'accident dont tu parlais de jeudi soir, dans la première spéciale. 20h14, et on a vu les images aux alentours de 20h20, puisque c'était le quatrième pilote qui s'est lancé en la personne de Padum. Padum, le néo-zélandais, le jeune néo-zélandais, qui était copiloté par un vétéran néo-zélandais. Il y a de l'expérience. Padum, c'est un pilote qui va très vite, qui est très bon. Il y a deux choses là-dedans. D'abord, la première chose, c'est qu'en rallye, comme dans tout sport mécanique, on n'est pas à l'abri d'un accident ou d'une sortie de route ou de piste. Ça arrive en Formule 1, ça arrive en moto, ça arrive tout le temps. Je voudrais, moi, revenir sur ce qu'on a vu pendant tout le week-end, en fait. Et on était sur les spéciales, nous aussi. On a vu des comportements juste irresponsables de la part du public. Je vais revenir deux secondes là-dessus, parce que c'est le leitmotiv des organisateurs de rallye, tous. On était avec Louis Priano vendredi après-midi, qui ne cesse de répéter que ces comportements-là tueront le rallye. Encore une fois, alors c'est malheureux pour lui, il est décédé, mais il était placé à un endroit, il était au-dessus d'un panneau avec accès interdit au public, point barre, donc malheureusement quoi. Alors, spécial bien sûr annulé, on a reclassé tout le monde, puisque malheureusement c'était tout à fait logique qu'on se retrouve dans la deuxième épreuve chronométrée qui était 22h54, il y avait 25 km 490 à parcourir. Bien sûr, le leader du championnat du monde à la personne de Sébastien Ogier sur Ford Fiesta WRC Ford prenait le départ de cette épreuve. Hein. Et puis, on avait le premier classement de ce rallye du Monte Carlo, sérieusement. Pourquoi ? Parce qu'on va y revenir dans cet accident. C'est pour ça que Jean-Yves, j'ai préféré un petit peu aller plus vite que la musique, comme dirait l'autre. Je suis toujours en train de chercher un petit peu les classements, puisque c'est Neuville devant Ogier dans cette épreuve chronométrée. Hein, on va prendre les deux premiers, puisque Neuville est allé un peu plus vite que Sébastien Ogier. Sébastien Ogier qui avait besoin de retrouver un petit peu d'élan et de vitesse dans ce rallye du Monte Carlo. Neuville a été globalement plus vite que Ogier sur tout le rallye. Ogier doit sa victoire à deux facteurs. La première, c'est qu'il n'a jamais lâché, qu'il a continué, quoi qu'il arrive, à mettre la pression, une pression énorme sur Neuville, au point de le pousser à faire une faute. Mais après, globalement, Neuville, pendant tout le rallye, était beaucoup plus vite et en général de quelques secondes par spécial. Et chaque spécial voyait son avance augmenter. On va y revenir plus longuement dans la deuxième journée, puisqu'on se retrouvait, il était 20h54. On va pas dire que les pilotes étaient très bavards, puisqu'on n'a même pas eu le temps de les prendre avec nous, puisque les voitures allaient directement dans les paddocks. Chez Hyundai, c'était carrément fermé, on ne pouvait pas venir interviewer, on avait fait porte close. Dany Sordo est rentré, il n'a pas dit deux mots, Neuville non plus, c'était vraiment blackout pour cette première journée. Nous, on est parti un petit peu à la chasse chez l'habitant, on a dormi chez l'habitant, Ansel, et l'équipe de Fly FM a été accueillie par Raymond d'Ansel, et on en et a Sabine. Profité, et Sabine, pardon, qu'on les remercie ce soir. Je vous propose d'écouter Raymond, qui est très fier d'avoir le rallye du Monte Carlo, puisque dans la deuxième journée, ils vont être en apothéose, puisque le jeudi, le Monte Carlo passait deux fois dans l'épreuve numéro 2. Je vous propose d'écouter Raymond. Raymond, le rallye du Monte Carlo, c'est quoi? Ogier, bien sûr, la passion, c'est un tout, quoi. Ben oui, Ogier, le régional, qu'on connaît bien, que je connais bien parce que je l'ai fait skier quand j'étais gamin. Et donc on connaît bien ses parents, toute la famille. Donc c'est vraiment... L'enfant du pays, exactement. Et on se déplace pour le voir, lui. Vous êtes un petit peu chauvin dans les Hautes-Alpes. Vous voyez que Ogier, ou vous avez un petit peu aussi le regard sur les autres concurrents? Ah ben, on a le regard un peu sur tout le monde, mais on est quand même chauvin et on espère que l'enfant du pays va nous faire un bon résultat sur le rallye Monte Carlo. C'est bien que le rallye de Monte Carlo passe à Ancel, parce qu'Ancel, on connaît Ancel pour c'est le sport d'hiver, pour sa culture, mais le sport mécanique, le rallye, est-ce qu'il y avait des courses comme ça ici à Ancel avant? Le Monte Carlo avait déjà passé chez nous avant de nombreuses fois. mais il empruntait pas le même itinéraire. Il ne passait pas par le col Moissière. Mais là, en passant par le col de Moissière, sur les pistes, ça fait une très belle épreuve. Alors, Raymond a deux caps, puisqu'il est aussi à l'école de ski d'Ancel. Vous le faites un petit peu exprès. Pour ce rallye de Monte-Carlo, faites attention qu'il n'y ait pas la fraise qui passe, qu'on ne mette pas du sel sur la route pour pouvoir fondre la neige qu'il y a. Exprès pour le rallye de Monte-Carlo, ou vous en servez vous aussi pour les pistes? La route de Moissière est pas salée parce que comme le rallye Monte Carlo passe et après la route est fermée. Après la route s'arrête au col de Moissière parce que les pistes traversent la route. Donc elle est ouverte uniquement pour le rallye Monte Carlo. Donc elle reste enneigée et c'est bien, ça fait une belle spéciale. Voilà, on a parlé un petit peu de ce Raymond qui nous a accueillis en Ancel. Il est bien sûr berger, mais aussi moniteur de ski. Le contact est fabuleux, puisque on le trouve 2 minutes avec ses moutons, en train de leur donner à manger. Puis 2 minutes après, il prend la belle tenue de l'ESF et il va donner des cours sur les pistes dans Ancel. Ça, c'est fabuleux, je vous assure. C'est fabuleux, puis je vous ai vu à Ancel également avec les gens. Alors cette première journée, revenons sur cette première journée qui s'est déroulée, il y avait pratiquement 6 spéciales au programme, 2 spéciales qui se concouraient 2 fois de suite dans cette première journée du rallye du Monte Carlo, hein, puisque je prends un petit peu le film comme il se doit, la deuxième journée, pardon, de ce rallye du Monte Carlo, puisque la première journée menait de Monaco à Gap, et là c'était Gap, 4-6 spéciales au programme. La première de la matinée, c'était Annie Rendez-vous-Lui Lamouti, 24 km 630, 10h10. On retrouvait la quatrième épreuve chronométrée, Aspre-Corps Chaillot 1, 10h44. Et bien sûr, la preuve numéro 5, Saint-Léger-les-Ménez, La Bâtie-Neuve, Ancel, en plein milieu de cette spéciale. Et on a eu la chance d'avoir Raymond. 11h47 pour la première voiture. On se retrouve au parc d'assistance à Gap aux alentours de midi. On va dire 1h02 pour les premiers entrants, 1h35 pour les sortants. Et on prenait la direction de la 6e épreuve chronométrée, Annie Rendez-vous-Lui Lamouti 2 et Annie Rendez-vous-Lui le Aspre-Corps Chaillol, pardon, 15h01. Et juste après, c'était Saint-Léger-les-Ménez à La Bâtie-Neuve, 16h04. On se retrouvait tous à l'entrée de la zone technique là où on était pour le regroupement et surtout l'assistance Flexi à Gap, 17h14, sortie des véhicules 18h02 pour aller en parc fermé à 21h à Gap dans une grande salle. Voilà pour les 6 épreuves chronométrées. Un beau leader à la suite de ça, c'était encore une fois notre ami Neuville qui sortait premier. Et alors là, par contre, on va dérouler le film de cette deuxième journée avec tous les pilotes que nous avons eu, on va dire, à notre micro, Jean-Yves. Ouais, on a eu la chance, Fred, tu le disais, de pouvoir assister de l'intérieur presque à ce rallye et de pouvoir aller voir les pilotes dès la sortie de leur voiture. C'était des bons moments avec des pilotes qui nous livraient leurs impressions quasi immédiatement. Quand on voit le spectacle qu'ils font, ces mecs-là, avec des voitures de 320, 330 chevaux, eh ben, ils sortent de leur voiture, ils sont rincés, puis ils prennent quand même le temps de... Allez, de juste parler. Avant de revenir avec toi, Jean-Yves, on va prendre le plaisir, parce que c'est quand même carrément un plaisir, je peux vous assurer, quand on écoute un personnage comme François Delecourt. Je vous propose d'écouter François Delecourt. Ouais. François... Alors, comment ça s'est passé un petit peu? Parce que journée, est-ce qu'il y a de la neige? Très mal, ça va mal, il n'y a rien qui va. Non, pour les spectateurs, passez devant les barrières là, qu'est-ce que vous restez derrière? Mais passez devant! Qu'est-ce que vous attendez là? Bon, une voiture comme ça, il faut se battre. Des barrières, c'est ça qu'il faut expliquer. Pourquoi ils mettent des barrières? Ils ont toujours peur. C'est des camps de concentration encore à nouveau là qui sont là? C'est vrai, sans déconner, mais. Laissez-les rentrer là. C'est ça le rallye, c'est pas. Ouais. C'est pas les barrières à la con là. On n'est pas au Grand Prix de Formule 1 avec Alain Prost et. C'est clair. Bon, tu te régales un petit peu aussi, non, François, avec ta barte? C'est compliqué, hein? Oh, j'ai le cul serré, franchement, c'est chaud patate. Ah ouais? Ouais, c'est chaud patate. C'est quoi la difficulté, cette voiture? C'est la tenir à droite? C'est une propulsion, hein, donc forcément. Et on n'a pas de longis, on n'est jamais dans l'axe de la route, quoi. Donc, faut se battre. Déjà, le problème des Michelin, mais ça, les Michelin, j'ai envie de les étriper, les mecs de Michelin, avec ces pneus de merde là, qui nous mettent. parce que c'est une catastrophe, quoi. Ouais, je te crois. Non, mais même, déjà, c'est dur en WRC, mais alors nous. Par contre, je regardais par rapport à la Porsche de Dumas, tu vas plus vite, quoi. Globalement, on se tient. Hein. Ouais. On se tient. Ils ont plus de motricité. Il a plus de motricité que nous. D'accord. Ça, c'est indéniable. Bon, il reste quand le rallye est long. J'espère que tu vas le remporter dans ta classe. Ben ouais, j'espère. Merci, frère, toi. Voilà, François Delecourt, je crois que... est-ce que je suis en l'antenne, là, messieurs? Oui. Rassurez-moi, je n'entends rien dans mon casque. Je hurle pour essayer de m'écouter, tout va bien, quoi. Espérons que ça continue. Jean-Yves, revenons un petit peu sur ce phénomène, François Delecourt. Sur le 124, à Barthes, c'est la première apparition de Fiat en championnat du monde de propulsion, et ils sont dans la gamme GT. Je crois que François Delecourt est un grand monsieur. C'était un mec qui a gagné, qui a failli être champion du monde, qui court maintenant pour le plaisir. Et il nous a régalé. Il a régalé le plaisir, il a régalé le public, pardon, en mettant sa voiture dans des positions extraordinaires. Et puis surtout, il continue à régaler tout le monde avec sa grande barge. Et ça, c'est pas un secret que moi j'adore ces gens-là. Là, il a critiqué l'organisation qui laissait le public derrière les barrières. Quand il a eu quelque chose à dire sur les pneus, il a dit, ben voilà, merci. Allez, François. Je vous propose d'écouter maintenant, et j'entends toujours rien, c'est pas grave, ça va venir, hein, on se dépêche. On va parler de Romain Dumas, lui il courait sur Porsche 911 et 996, pardon, et il y avait Brian Bouffier qui rentrait dans les 10 premiers, puisque lui, il était sur une privée, il était toujours sur une Ford Fiesta. On a jugulé les deux Français, on n'en a fait qu'un son, je vous propose de les écouter. Allez, avec Romain Dumas, au terme de cette première journée complète de course, Romain, tes impressions après cette journée entière un peu compliquée? Ouais, c'est sûr que les routes, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. La Porsche, c'est de la survie à tous les virages. Donc, c'est pas le plus facile, loin de là. Mais non, c'est comme ça. Ça doit faire des beaux spectacles pour les spectateurs, mais dans la voiture... C'est un petit peu frustrant, mais c'est comme ça. Quelques frayeurs avec ces routes piégeuses, là, on ne sait jamais, c'est sec, c'est pas sec. Il y a de la glace, pas de glace. Oui, des frayeurs, ça c'est sûr. Souvent, un peu trop même. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Ça fait partie, encore une fois, de cette course. On sait que c'est difficile. Quand vous venez ici avec la Porsche, vous savez que ça allait être encore plus dur. Une semaine près, il n'y avait pas trop de neige, j'étais assez content, mais là, c'est vrai que c'est très, très difficile. Belle bataille, en tout cas, avec François, vous vous tenez à coup de secondes, il n'y a pas de vrai leader entre vous deux? Non, bon, le problème, c'est que j'ai 10 minutes de retard, parce que hier, je me suis arrêté dans la spéciale, donc il n'y a pas de... Moi, je roule vite, mais je ne prends pas de risque, j'ai rien à perdre, donc j'ai rien à gagner plutôt, donc je roule à ma main. Et juste un dernier mot pour demain, la tactique, ça va être de continuer à attaquer et à essayer de garder la voiture ou de rentrer à tout prix à Monaco dimanche? Non, l'idée c'est d'essayer d'entrer à Monaco dimanche, c'est tout. Il y a juste à attendre que la course se fasse, on n'a pas eu de chance hier, peut-être que ça va tourner et qu'on aura un peu plus de chance demain. Merci Romain. Brian, ouais, c'est ton premier aujourd'hui, ça s'est bien passé aujourd'hui? Ouais, plutôt très bien, ouais. Des temps sympas, hormis la crevaison dans l'avant-dernière spéciale, mais sinon plutôt bien, je suis content d'être dans le bon tempo. Bon, après les Skoda officiels sont loin devant, ça c'est sûr, mais tu vois, comparé des autres gars qui ont les mêmes voitures que moi, je suis plutôt satisfait. Ouais, parce que tu vas être dans le top 10 ce soir, et je pense que, bon, tu vois, je sais que les routes qui arrivent, tu commences à connaître un petit peu à force de faire sur Monte Carlo. Bon, il va rester quand même piégeux, parce que le Monte Carlo, c'est pas quelque chose de simple, hein. Mais je pense que pour l'instant, tu es bien dans tes pommes, on va dire. Ouais, bon, après, je pense qu'il y a un truc qui est assez pertinent, c'est que quand bien même si tu es passé dans certaines spéciales ou autres, ça évolue tellement, en fait, ça change sans cesse d'une année à l'autre. Donc voilà, c'est difficile de dire comment les routes vont être ou autre. Donc même si tu sais un peu le profil, tu sais où tu vas, je dirais, faut être quand même redoublé de méfiance, parce que c'est super facile de faire une connerie ou de crever, hein, comme ça a été mon cas aujourd'hui. Bon, on continue à se faire plaisir, la voiture marche très bien, pactage pneus aussi et tout, donc déjà c'est pas mal. Mais bon, il reste encore beaucoup de kilomètres. Merci. Allez, on est revenu dans ce rallye, 85e rallye du Monte-Carlo, dans la deuxième journée de ce rallye qui nous menait à Gap. Et puis on a écouté il y a quelques minutes Romain Dumas qui courait sur la GT. Il faut savoir que François Delecourt était leader à la sortie de ces 6 épreuves chronométrées en GT. Et maintenant, je vous propose d'écouter celui qui a eu du mal à trouver un volant, qui était pas en pleurs, mais presque après la fin du championnat 2015. 16 du côté de l'Australie, c'est Mikkelsen. Aujourd'hui, il court en WRC2. Il est sur une Skoda Fabia. Et on était très heureux de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il devenait. Puis lui qui avait été deuxième de ce rallye du Monte Carlo 2016. Avec Mikkelsen. How is your feeling tonight after the second day of the race, and you come first of the second division tonight? Yeah, we're in the lead, which is a good feeling, and we had a good day, trying to get more and more used to the car. It's improving all the time, so it's tricky conditions out there. Yeah, that was my question. How was the day today? As snow and ice, and after dry roads, and well, how did you manage to drive with that conditions? It's for me, it's the most difficult Monte Carlo I've ever done so far in my career. So it's very icy, very patchy. You have some dry sections and then wet and then some black ice, and it's changing all the time, the grip. So it's really difficult. And what a plan for tomorrow? Are you going to attack again or trying to keep your first position? I think we feel very comfortable the way we drive at the moment, so we'll just continue like this. Good to see you anyway in the car, because after the Australia, that was pretty hard for you, pretty tough time. How did you manage to find a new car? So far it's only for this rally. Yeah. But it's much better to stay home than staying home, for sure. It's been tough time since Australia. I mean, really trying to find another place to get in a world rally car, but it's not so easy so late in the year, so that put us back a bit, but we will be back. Any plan anyway, any talk with some managers to continue the season, or? After last season we are talking with everyone and seeing where the possibilities are for the future, for sure. Thanks. Thank you. Allez, on revient avec Jean-Yves Nicolessen, qui galère un petit peu encore quand même. Je crois que tu peux nous dire ce qu'il a, ce qu'il nous a communiqué. Ben, grosso modo, là, concernant sa carrière, il a trouvé ce volant juste pour ce rallye là. Il est en train de continuer à discuter avec un tas de personnes autour pour essayer de continuer sa carrière, et de préférence en WRC. C'est compliqué parce que la saison est avancée, les bons volants sont pris, et sauf coup de miracle, ça va être très compliqué pour tout retrouver un bon volant. Sur ce rallye, par contre, il était ravi, il était aux anges, parce que déjà, il avait l'impression de revenir de nulle part. Alors, c'est le vainqueur de la WRC2, du WRC2, absolument, Fred. Il était content, et en plus, en même temps, il disait que c'était vraiment, vraiment très, très compliqué, des conditions horribles. Il disait que c'était le rallye Monte Carlo le plus dur qu'il avait eu à courir, et même le rallye le plus dur qu'il avait eu à courir, tout simplement. Il s'en est bien sorti, puisqu'il gagne son groupe, il gagne le VRC2. Il a toujours autant de talent, et puis c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon mec. Allez, je vous propose d'écouter maintenant le leader, celui qui a gagné le rallye du Monte Carlo. On n'avait que ce son, puisque la conférence de presse qui a eu lieu, ça a été compliqué pour essayer de retrouver un son qui aurait pu être audible à la radio. Et bien, on a gardé à la sortie de la deuxième journée Sébastien Ogier sur Ford Fiesta WRC. Il était leader de son Monte Carlo et il a gagné ce rallye du Monte Carlo. De volant cet après-midi, et à part dans des sections où il y avait pas mal de neige fondante, où forcément c'était pas terrible d'être premier sur la route, où on a perdu du temps dans ces portions-là, le reste du temps on a réussi à faire de très bons chronos, donc non, c'est une journée positive, et c'est sûr qu'avec des scies, ça, on a le petit regret de s'être posé bêtement ce matin 40 secondes, parce que sans ça, on serait bien bagarre. Quand en début d'après-midi l'écart a dépassé la minute, est-ce qu'à ce moment-là vous avez commencé un petit peu à avoir des doutes? Des doutes, pas forcément, non. Comme je disais, j'ai essayé de travailler de toute manière pour trouver les meilleures sensations possibles. Et c'est un rallye pour l'instant qui se joue plus à l'élimination qu'à la performance. Donc il va falloir continuer à passer au travers des embûches et des pièges, parce qu'ils étaient très très nombreux aujourd'hui, et je pense que ça devrait continuer demain. Thierry Neuville nous disait tout à l'heure 45 secondes, c'est rien sur Monte Carlo. Vous partagez son avis, sauf que là vous êtes dans le rôle du chasseur. C'est quand même toujours mieux de les avoir en avance qu'en retard, c'est évident, mais c'est sûr que sur le Monte Carlo, avec les choix de pneus et les conditions qu'on est amené à rencontrer, on sait qu'il peut se passer beaucoup de choses, et les différences peuvent être grandes d'une spéciale à l'autre. Maintenant, 45 secondes quand même, c'est pas rien non plus. Voilà, il se faisait du petit souci à la sortie de cette deuxième journée. Je vous donne le classement des trois premiers. C'est Neuville qui était leader avec 45 secondes d'avance sur Sébastien Auger. On retrouvait Ontanac, les deux forts de Fiesta juste derrière, avec 45 secondes et 4 dixièmes entre Augier et Ontanac. Et Latvala était quatrième avec Sergio Tayaris, WRC, première sortie en championnat du monde avec 2 minutes déjà 0,9. On partait pour la troisième journée de samedi matin. Il y avait 4 spéciales au programme pour nous ramener pratiquement à 21h11 pardon, du côté de Monaco, où c'est qu'on arrivait pour la fin de cette troisième journée. Et la quatrième journée de ce rallye nous menait dans l'arrière-pays niçois avec la Bolène Vésubie Piera Cava. On n'arrivait pas avec le col du Turini puisqu'il avait été supprimé. On avait réduit cette spéciale parce qu'on avait peur des supporters. 21 km 360. Et là où on a eu la plus grande inquiétude au niveau du public, et bien c'était Lucéram Col Saint-Roch qui s'est déroulé 5 km 500. C'était pratiquement une spéciale régionale. 9h22, le départ a eu bien lieu, l'arrivée aussi. Mais la numéro 16 a été encore annulée pour indiscipline des spectateurs, puisque certains spectateurs se mettaient carrément au bord de la route comme s'ils venaient devoir passer, on va dire, en rallye régional. Mais malheureusement, les organisateurs. Même en rallye régional, c'est interdit de faire ça. Voilà, et ils se croyaient à la corrida pour certains, puisque nos amis espagnols, sans les créer, sans les montrer du doigt, je me leur ai dit gentiment que s'ils faisaient comme ça, ben, ça ne pourrait pas le faire. Et ça n'en a pas fait, puisque la spéciale numéro 16 a été annulée. On s'est retrouvé avec la spéciale numéro 17. Et à la sortie, on a un beau vainqueur. Voilà le rallye du Monte Carlo qui s'est terminé dans la joie, puisque Ontanac avait un gros problème mécanique. Il a perdu plus de 4 minutes dans la dernière épreuve, puisqu'il a eu du mal à finir. Malheureusement, il termine sur le podium puisqu'il est troisième. Premier, Sébastien Augier, Ingresia sur Ford Fiesta WRC. Deuxième, Matti Jari Latvala sur Toyota Yaris WRC à 2,15. Et le troisième, c'est Ontanac, 2 minutes 57. Il y avait une personne qu'on ne veut pas oublier, qu'on veut remercier, c'est Monsieur Mikou, hein, dont j'ai serré la main et dont je lui ai fait part que Fly FM était très heureux de faire partie du quatuor, on va dire, du ténor des journalistes sportifs et reporters sur ce rallye du Monte Carlo. Il y avait bien sûr Jean Todt de la FIA. Il va revenir sur l'accident, mais il va revenir aussi sur ce qui s'est passé. Tant pis, on est obligé de le passer. Ça prendra 1 minute et Jean-Yves reviendra derrière pour nous analyser la fin de ce rallye du Monte Carlo. Quelque chose que vous vouliez un rallye plus spectaculaire avec des belles voitures. Est-ce que vous êtes satisfait par cette première apparition? Déjà, je suis triste d'un accident inutile, parce qu'un accident c'est toujours inutile, et c'était vraiment quelque chose qui était évitable. Malheureusement, le fait de ne pas voir respecter des consignes a eu des conséquences terribles pour une personne, pour une famille, pour la famille des rallyes. Donc ça, c'est ma première tristesse, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le rallye de Monte Carlo. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle réglementation. Donc d'ailleurs, ça a été assez bien reporté par vous tous. Et il ne faut pas faire de mélange. Si on vient au rallye, c'est la première fois que je vois réellement les voitures, parce que je les avais vues dans les salons, tout ça. Justement, je ne voulais pas manquer cette première opportunité, donc d'être présent à l'arrivée. Et j'ai parlé avec les équipes, j'ai parlé avec quelques pilotes, et tout le monde semble dire que ça va dans le bon sens. Alors, cela étant, Monte Carlo, et surtout, je crois, cette année, il y a eu des conditions un petit peu changeante, et donc on n'est pas capable réellement de tirer encore les premières conclusions du règlement 2016 et le règlement 2017, mais clairement je pense que ça va dans le bon sens, mais il faut attendre, je pense, 3-4 rallyes avant de se faire une idée plus précise. Voilà, je crois que j'entends à parler bien sûr de cet accident. Il a été très heureux que tout le monde l'a signalé, mais il était très malheureux parce qu'il aime ça, il aime le rallye, le président de la Fédération Internationale Automobile, et bien sûr, dans la nouvelle réglementation, il faudra que tout le monde prenne ses marques dans ces nouveaux véhicules qui sont très larges. Cette nouvelle réglementation, Fred, elle est juste géniale. Les voitures sont extraordinaires à voir passer. Ah ouais, on s'est régalé, et puis ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu 4 écuries au départ d'un rallye pour en position de gagner. C'est bravo, juste génial. C'est top chrono, hein. Top chrono, c'est toujours à fond. Hein. On était ce soir encore à 280 km/h et on va finir un petit peu plus doucement avec la course à pied. C'est Guy Bougon. Il a moins à dire encore, lui. Parce que des fois, oh, moi, je vous ai écouté. J'ai écouté ce super championnat de rugby à 13 et puis aussi au niveau du rugby à 15. J'étais dans la voiture et c'est vrai que. Et puis vos impressions aussi sur le basket, où là, on a l'impression qu'à Sock, ça repart. J'étais dans l'équipe pour remettre tout à jour au niveau de la salle, le gymnase. De la plaine avant le match hein, de basket et bon bah maintenant espérons que cette équipe de basket nous fasse feu pour la saison. Bye bye, à très bientôt. Ce programme sportif vous a été offert par le groupe Bélucie, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente dans la région. Plus d'infos www.belucie.fr.